Vacarme s'arrête là pour aujourd'hui puisque c'est l'heure d'Histoire vivante. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. C'est la Vierge Marie en déshabillé de soie. Hein. Pourquoi il y a des bouteilles de Bourgogne à épaule tombante, des bouteilles d'Alsace en forme de clocher de la cathédrale de Strasbourg et des bouteilles de Bordeaux à épaule carrée. Travaillez dans le vin ? Vous connaissez beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans le vin ici ? Cette semaine, un certain fruit. Le vin, c'est l'incarnation de la lumière du soleil enveloppée par de l'eau. De l'amphore. Il y avait dans les vins antiques énormément d'additifs. À la mondialisation. Nous avons détruit le mythe de l'invincibilité de la vigne française. Contenu plus serré qu'une nonne, mais bonne concentration, très fruitée. Et contenant. Le vin a un rapport au temps qui n'est pas du tout linéaire. On ne couronne pas le vigneron qui produit le plus, on va couronner le vigneron qui a réussi à le mieux entretenir sa vigne, la bichonner. C'est ce que je veux faire avec mon vin, non ? Il y a un moment donné, ça va, j'ai pas besoin d'avoir toujours 12 mecs autour de moi pour me dire ce que je dois faire. Vous êtes là, là à me regarder avec vos grosses couilles. Ils vont pas dormir, les auditeurs. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Je m'appelle Jean-Marie Cardebas, je suis professeur d'économie à l'Université de Bordeaux. Je crée en ce moment même l'Association des économistes du vin, européen du vin. Mes recherches portent sur l'économie du vin, en général, depuis une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, notamment avec un focus particulier, une focalisation particulière sur les marchés internationaux, la prospective, quels seront les pays producteurs, consommateurs demain, exportateurs également, avec sans doute un marché qui va être bouleversé dans la prochaine décennie, pour cause de changement climatique, pour cause d'évolution du goût des consommateurs, des choses sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais comment vous arrivez à ça ? Parce que si j'ai bien compris, vous choisissez d'abord, j'interprète peut-être, l'économie, et puis en chemin c'est le vin, à moins que ce soit l'inverse, vous vous intéressez au vin, et puis vous vous êtes dit, on travaille peut-être pas assez l'économie, et je vais m'en mêler. Alors c'est un cheminement assez particulier qui fait intervenir une tierce personne qui s'appelle Karl Sorgmann, qui est le manager de l'association American Association of Wine Economists, donc qui est professeur à New York, et qui m'a dit un jour, alors que j'avais commis un article sur l'économie du vin un peu pour le fun, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire pour m'amuser un petit peu, parce que je trouvais les données intéressantes, je trouvais la thématique intéressante. À titre personnel, j'aime l'objet vin, qui est un objet vraiment complexe et économiquement très attractif. Et Karl m'a dit un jour, au détour d'une conférence, je ne le connaissais pas, c'était la première fois que je le voyais, il m'a dit « vous êtes complètement stupide », ce qui a une signification particulière en anglais. Péjorative. Plutôt péjorative, vous êtes complètement stupide à Bordeaux, parce que vous êtes dans le Hollywood du vin, et personne ne fait sérieusement de l'économie du vin, alors que c'est un secteur passionnant, c'est un secteur tellement important pour la France. Donc je comprends pas, qu'est-ce que vous faites ? Et ça m'a frappé au coin du bon sens, je faisais de l'économie internationale, ce qui est ma formation de base, j'ai fait ma thèse là-dessus, sur les problématiques de mondialisation et de marché du travail, typiquement, et je me suis dit, mais bien sûr, il a parfaitement raison. Alors je me suis lancé à corps perdu dans l'économie du vin, j'ai créé un groupe de recherche qui s'appelle Bordeaux Wine Economics, qui s'est intéressé avec les professionnels ici à la formation du prix du vin, parce qu'un objet aussi complexe a de fait une formation du prix qui répond à des mécanismes très divers, très intéressants. Et je me suis particulièrement intéressé à cette chimère qui consisterait à prévoir le prix du vin. Si vous prenez les aspects géographiques, historiques, etc., tout s'entremêle et tout compte pour l'économiste, finalement. Je vous cite Jean-Marie Cardebat. Il existe deux dimensions à l'offre de vin. La quantité produite chaque année, mais également la qualité de cette production. Toutes deux reposent sur les mêmes déterminants, la terre, le climat et le travail des hommes alliés aux technologies utilisées. Le vin a cependant la particularité d'avoir un rapport au temps très spécifique. Le temps qui passe affecte notamment la qualité d'un vin et peut conduire à des comportements stratégiques modifiant la quantité offerte. Le climat et le temps au sens de la temporalité. Comment arriver à relier ces deux éléments avec l'économie ? Parce que ce sont des déterminants absolument clés dans la formation du prix, justement. Qu'est-ce qui fait le prix d'un vin ? C'est à la fois, très basiquement, la quantité qui est offerte sur le marché, parce que le vin a quand même quelque chose de très particulier en tant que bien agricole, c'est-à-dire que la quantité est fixée par les surfaces et par les rendements. Le rendement, il va dépendre du temps qu'il fait. Et le comportement de stockage qu'il y a derrière, c'est la seule variable dont disposent les producteurs de vin et les marchands de vin pour avoir malgré tout une influence sur le prix. Et c'est là que les comportements stratégiques apparaissent, dans la mesure où certaines années, on peut faire un peu de rétention de stock, comme on l'a fait à Bordeaux ces dernières années, pour faire augmenter les prix du côté des producteurs. C'est un jeu entre les acheteurs de vin et les vendeurs, ceux qui le produisent. Je vous rassure, l'Arabie Saoudite elle-même, avec son pétrole, en a fait de même. Exactement. Mais je fais peut-être une erreur en disant, comme tout produit agricole, est-ce que le raisin, la vigne, connaissant une dégradation météorologique quelle qu'elle fût, que ce soit la grêle, que ce soit qu'importe, est-elle plus fragile que tout autre produit agricole? Peut-on les mettre sur le même plan? En termes de fragilité, je crois que oui, fondamentalement. Peut-être plus. La réponse aux aléas climatiques de la plante, que ce soit de la vigne, que ce soit du blé, que ce soit du café, que ce soit du thé, etc. Il y a une sensibilité à des événements climatiques qui deviennent de plus en plus extrêmes, aujourd'hui de plus en plus marqués. On l'a bien vu avec le gel, hein, en Europe, l'année dernière, en 2017, ça a été quand même assez dramatique. On a eu des moins 50% de production. Si vous comparez avec des arbres fruitiers, c'est environ les mêmes rendements qui vont être impactés. Donc, je dirais pas que le vin est spécifique de ce point de vue-là. Non, je crois que la grande spécificité du vin, c'est ce rapport au temps qui passe. Non pas simplement au temps qu'il fait. Pour le temps qu'il fait, c'est un produit agricole lambda. Pour le temps qui passe, là, ça devient extrêmement particulier et singulier. Le vin, typiquement, a un rapport au temps qui n'est pas du tout linéaire. Dans un premier temps, le temps qui passe améliore la qualité du vin. Et puis ensuite, le temps qui passe le dégrade. Mais ça, c'est la valeur œnologique du vin, si vous voulez. Et encore, on parle que des vins qui ont une capacité de vieillissement. Sinon, le temps le dégrade quasiment de façon linéaire. Si l'on doit mettre deux biens agricoles côte à côte en termes de résonance culturelle, parallèlement à la vigne, on pense évidemment au blé, pour des raisons d'évidence. Cependant, par cette spécificité du rapport au temps, la vigne a quelque chose en plus. Comment étudiez-vous, sur le plan économique, cette dimension culturelle, Jean-Marie Cardébat? La dimension culturelle, on va finalement la prendre en compte à travers les marques. Les marques qui s'inscrivent dans l'histoire, si vous prenez, l'exemple est facile, vous me le pardonnerez, mais si vous prenez le domaine de la Romanée-Conti, il y a une histoire tellement riche, il y a une partie de l'histoire de France qui se raconte autour du domaine de la Romanée-Conti. Si vous prenez les grands vins de Saint-Émilion, il y a une histoire de France derrière aussi. Vous le retrouvez dans les marques, finalement, et la valorisation que veulent bien faire les consommateurs de ces marques. Ces marques s'expliquent par l'histoire et par la dimension culturelle. Et c'est cela qui confère, on peut presque le mesurer avec un prix, fondamentalement. Si vous prenez un grand vin australien, Penfold Grange, si vous prenez un Screaming Eagle aux États-Unis, en Californie, ce sont des vins qui coûtent cher, mais qui ne peuvent pas atteindre les mêmes niveaux de prix que ces vins qui véhiculent l'histoire. Ça, fondamentalement. On entre ici comme dans un sanctuaire, avec la dignité qui sied au prestige. Une cave sous terre au fin fond d'une carrière qui accueille les trésors de la République. Là, dans ces boîtes blanches bien alignées à l'intérieur, les vins de l'Élysée. Oui, la Tour 36, tiens, qui est là, qui est la bouteille la plus ancienne de la vente. Et puis, il y a des Romanées, des Chevals Blancs, des Pétrus, 1200 bouteilles acquises depuis 1947 pour les caves de l'Élysée. Et tous ces vins ont été partagés à travers de grands dîners et de grandes fêtes. Donc on n'achète pas uniquement du vin, on achète de l'histoire. Un Pétrus 1990, mis à prix 2200 euros. La vente s'annonce bien prometteuse, 200 000 euros au bas mot, mais qui donc va acheter? Le monde entier, aussi bien les Français de toute catégorie que des restaurants à Rome, des caves de l'Enothèque à Tokyo, des amateurs chinois, des Américains, des Russes, on a des demandes de partout. Est-ce que l'économie du vin suit, et on peut se douter que oui, mais j'aimerais bien avoir auprès de vous des compléments d'information, l'histoire de l'économie avec évidemment la révolution que représente la globalisation au XXe siècle? Oui, et le secteur du vin est un secteur extrêmement intéressant de ce point de vue, parce que j'ai coutume de dire que c'est un véritable laboratoire de la mondialisation. La mondialisation, dans un premier temps, ce sont un petit club de pays riches qui font du commerce entre eux, qui ouvrent progressivement leurs frontières entre eux. C'est l'histoire de la première mondialisation au XIXe siècle, notamment, avec les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France. Et puis petit à petit, c'est quelque chose, un phénomène qui s'étend, une ouverture qui devient de plus en plus globale, avec une première série, je dirais, de marchés émergents, de pays émergents qui viennent s'inviter dans le club des pays riches. Ça va être la Corée du Sud, ça va être ce qu'on a appelé les nouveaux pays industrialisés, Singapour, Taïwan, etc. Et enfin, une seconde vague d'émergence avec aujourd'hui, vous le savez, bien évidemment, la Chine, le Vietnam, etc., mais aussi des pays d'Amérique latine, bref, plusieurs vagues d'émergence. Et c'est ainsi que fonctionne le modèle économique qui nous dit qu'il y a des phénomènes de rattrapage, des émergents vont rattraper petit à petit les pays dits riches, les pays de l'OCDE. Si vous regardez le secteur du vin, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez un nombre très limité de pays qui commercent entre eux, avec trois grands pays consommateurs qui sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis. Trois grands pays producteurs, qui ont aussi beaucoup d'autoconsommation, bien évidemment, qui sont la France, l'Espagne et l'Italie. Et on reste dans ce petit club de pays consommateurs-producteurs. Et le marché du vin, c'est ça. C'est six pays, essentiellement. Dans un second temps, les États-Unis sont venus jouer les troubles fêtes en devenant un producteur relativement important. Et puis, c'est tout ce nouveau monde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, les pays d'Amérique latine, avec le Chili et l'Argentine. Ça, c'est une nouvelle vague d'émergence. Et ça commence à secouer un petit peu les pays producteurs traditionnels parce qu'ils arrivent avec des techniques de vente particulières, ils arrivent avec une qualité qui est assez constante, des rendements qui peuvent varier mais qui sont quand même en moyenne un petit peu plus constants que les nôtres. Ce qui m'a toujours frappé, c'est l'espace. Quand je visite ces pays, effectivement, ils peuvent s'étendre. Regardez la France, regardez l'Italie, vous avez des surfaces qui sont des surfaces très petites, qui sont souvent entourés d'habitations, vous n'avez pas cette capacité à vous étendre. Vous êtes limité. Par contre, vous avez l'histoire qui joue pour vous. Si vous regardez les exploitations en Australie, dans tous les pays du Nouveau Monde, vous avez de l'espace. Vous avez une profusion d'espace, vous avez des exploitations qui sont beaucoup plus grandes. Alors forcément, le modèle économique qui se met en place derrière n'est pas le même. Il y a un modèle qui va donc être bâti dans ces pays de l'Ancien Monde, sur la notion de terroir, sur le côté culturel et historique de ces terroirs. On va jouer sur l'image. Dans les pays du Nouveau Monde, on va bâtir des grands domaines agricoles. On va avoir des coûts qui seront moindres de fait. On va avoir un dynamisme, vous l'avez dit, qui sera plus grand parce que culturellement, ces pays à l'anglo-saxonne, modèle libéral, permettent plus de flexibilité. On ne s'encombre pas de questions de terroir, de questions d'AOC, de limites de rendement, etc. Tant qu'on peut produire, on produit. On fait un marketing très pointu avec des marques qui sont commercialisées à coût de millions de dollars, etc., y compris au Chili. Et donc, on se retrouve avec des armes différentes, mais je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais effectivement, il y a un affrontement, il y a l'affrontement de deux modèles économiques. Il y a un modèle très régulé dans l'Ancien Monde avec ses AOC, et il y a un modèle beaucoup moins régulé, basé sur l'espace, basé sur une forme de libéralisme. Donc il y a un choc des cultures aussi dans les modèles économiques, bien sûr. On peut dire que deux camps peut-être se font face à face, qui seraient tradition versus innovation. Cependant, du côté de la tradition, on cherche également à innover, tandis que du côté de l'innovation, on cherche également, d'une certaine manière, à affirmer une solidité déjà historique. Tout à fait. Il y a véritablement une convergence, finalement. Ouais. Au départ, on avait véritablement deux modèles très différents. Aujourd'hui, il y a une convergence dans ces modèles économiques. Si vous regardez les États-Unis, ils ont remis au goût du jour leur fameuse AVA, AVA, American Vintage Area, donc qui est l'équivalent d'une AOC en quelque sorte, et ils font remonter ça en puissance finalement pour s'inspirer du modèle européen, pour essayer de réorienter leur marketing sur le terroir. Lettre de noblesse, en quelque sorte. En quelque sorte, effectivement. Donc on voit qu'ils convergent vers le modèle européen. De notre côté, les Européens ont compris depuis un petit moment aussi que la tradition, c'est bien, le fait de répéter des gestes ancestraux, c'est très bien, mais il fallait une innovation. Les Espagnols sont partis vraiment tambour battant dans cette innovation, à construire des chais ultra modernes, ils ont été pionniers, vous avez des chais absolument magnifiques en Espagne, somptueux même, avec une architecture très particulière, très attractive. C'est le lien d'évidence avec le continent sud-américain qui a accéléré le phénomène. Oui, parce qu'ils font des types de vins qui sont quand même assez proches, et effectivement, ils sont obligés de se démarquer, et ils sont obligés d'être innovants, de véhiculer une image plus moderne, etc. Donc clairement, il y a un lien comme celui-là. Les Bordelais, qui sont très concurrencés en style de vin par les Californiens, se sont mis à innover très massivement aussi. Vous avez ici, pas très loin de là où nous sommes aujourd'hui, l'Institut scientifique de la vigne et du vin, qui est un des pôles mondiaux d'innovation et qui vraiment porte cette innovation à la française et fait quand même beaucoup l'admiration. Enfin, je, en tant que Français, j'ai du mal à le dire comme ça, mais dans le reste du monde, vous avez même des producteurs de saké qui viennent nous voir pour s'inspirer de nos méthodes d'innovation, etc. Donc c'est... Il y a cette convergence là aussi. Les Européens ont compris que sans innovation, ils ne garderaient pas leur leadership sur ce marché. Alors, elle a des trucs corrects ? Oh oui, Steph est à fond dans le pinot noir et le syrah. Steph ! Oui ? On peut prendre toutes celles qui nous plaisent ? Oui, oui, peu importe. Excepté le Richebourg. Un Richebourg ? Elle a un Richebourg ? Barbacus, mais alors j'avais complètement sous-estimé Stéphanie. Oh, le petit Jésus en culotte de velours, regardez-moi ça. Je pense que ça, c'est une bouteille pour nous. Andrew Murray. Ah bon, d'accord. Quel joyau précieux vous avez dans votre cave ? Oh, j'ai pas de cave à proprement parler, disons plutôt, comment dire, quelques bonnes bouteilles dans une armoire à vin. Non, j'ai jamais vraiment eu les moyens pour ça, alors j'achète bouteille par bouteille, vous voyez. Mm-hmm. J'ai aussi des trucs que je mets de côté, c'est vrai, je crois. Oui. Que... Le bijou, c'est un 1961, c'est un cheval blanc. Vous avez chez vous un cheval blanc de l'année 61 ? Ouais, exact. Allez le chercher, d'accord. Sans blague, vite, allez-y. D'accord, j'irai. Bon, alors, dans cette guerre mondiale, Jean-Marie Cardébat, est-ce que la Suisse occupe encore un terrain neutre ? Elle est tout de même fière de ses productions, et on peut la comprendre, que ce soit Genève, Vaud, Le Valais, et d'autres endroits encore, on produit du vin, on produit des objets extrêmement particuliers. Est-ce que le Français que vous êtes, qui vous intéressez à l'économie du vin, s'intéresse également au particularisme helvétique? Absolument. J'ai demandé à deux collègues suisses d'écrire un article là-dessus dans un ouvrage qui paraît à Palgrave Édition. Et le nom des collègues? Le nom des collègues, excusez-moi, ils sont à l'école hôtelière de Lausanne, et c'est Philippe Massé et Jean-Philippe Vescoff. Sont deux excellents économistes et deux passionnés de vin, vraiment, qui font des travaux très en pointe. Et je travaille beaucoup avec eux, je travaille beaucoup avec le HL, et je m'intéresse beaucoup à la Suisse et à titre personnel au vin suisse, avec une petite faiblesse pour la petite Arvine en blanc et pour le Cornalin en rouge. Mais donc c'est un vignoble que je connais, et c'est un vignoble qui préfigure peut-être ce que sera le monde de demain, en fait. Tiens. Pourquoi ? Parce que on est sur un modèle d'autoconsommation. Finalement, les Suisses exportent peu, les Suisses sont chers. Leur rapport qualité-prix, malgré leur grande qualité, ils sont pas chers, ils sont inestimables. Les vins suisses, alors je vais raisonner en économiste très basiquement, mais effectivement sont plus chers en moyenne que des vins de qualité équivalente dans d'autres pays, parce qu'il y a une structure des coûts, parce qu'il y a une géographie qui est pas facile aussi pour en faire des dégustations dans le Valais, quand on est vraiment à flanc de montagne, parfois c'est compliqué. Donc on a cet aspect-là, on a cet aspect préfigurateur dans le sens où si on va vers des guerres commerciales, le vin a toujours été au centre des guerres commerciales. On l'a vu entre Macron et Trump, entre la France et les États-Unis, dès qu'il y a des petites anicroches, le vin arrive tout de suite au centre des débats et il est taxé en priorité. Parce que justement, il est à la fois important économiquement pour les pays européens, donc on sait que si on tape là-dessus, on leur fait mal, et en même temps, il est totalement symbolique de la culture de ces pays. Donc on va taper dessus pour leur faire mal aussi. Pour la Suisse, on produit pour soi. Et si demain on est en situation de guerre commerciale chronique, ce qui n'est pas du tout à exclure, on va aller vers des modèles beaucoup plus d'autoconsommation. On va redécouvrir les vins à côté de chez soi. On va peut-être arrêter, si ce n'est arrêter, du moins considérablement réduire la consommation de vins argentins, de vins chiliens, de vins d'Afrique du Sud, parce que les frontières seront beaucoup moins poreuses, beaucoup moins perméables. Et on va redécouvrir les vins de chez soi. Et c'est ce que fait déjà la Suisse. La Suisse produit pour elle-même. Et c'est très intéressant. Ils ont un modèle économique qui tourne très très bien de ce point de vue-là. L'exportation existe en Suisse. La Suisse exporte, mais ça reste un niveau faible. C'est pas au cœur du modèle économique. Le cœur du modèle économique, c'est de vendre pour les Suisses. Et c'est vrai que... Il y a peut-être, je sais pas si c'est une forme de chauvinisme, mais en tout cas, elle est très positive. J'ai vu les Suisses vraiment se passionner pour leur vin, à juste titre, parce que ce sont d'excellents vins. Il y a un lien qui est extrêmement fort entre le producteur et le consommateur en Suisse. J'ai pu le voir, toutes les dégustations que j'ai pu faire en Suisse, le producteur suisse tutoie très facilement le consommateur suisse et il y a une espèce d'osmose qui se fait. Ça, je crois que c'est le modèle du futur, le modèle du local. Ça dépasse largement le vin. Ce modèle du local, vous le voyez arriver dans quantité de secteurs, un retour vers le local. Regardez dans le secteur de la bière, c'est typique. Les bières artisanales sont avant tout des bières locales. On va vers ça. Et donc la Suisse, oui, préfigurateur du marché du vin demain, pourquoi pas. C'est bon, vous avez votre médaille de citoyen d'honneur, vous pourrez venir quand vous voulez. Un autre point, j'aimerais dire, je vous cite, l'extrême diversité du produit, c'est un cas d'école en économie industrielle, du produit étant évidemment le vin, on l'a bien compris. Dans quelle mesure cette grande variété fait qu'on arrive à un cas d'école? Il n'y a que le vin qui... Enfin, peut-être pas que le vin. J'ai presque envie de vous retourner la question. Trouvez-moi d'autres secteurs où vous avez un vin espagnol qui va sortir à 50 centimes d'euros le litre. C'est le prix actuellement sur le marché. Et d'un autre côté, vous avez, on a cité l'exemple de la Romanée Conti, qui est le vin le plus cher du monde, dans les ventes aux enchères notamment, et qui peut s'échanger à plus... J'ai une piste. Les montres. Effectivement. Donc il y a quelques secteurs comme ça qui sont des cas d'école où vous avez une extrême diversité, mais vous en trouverez, c'est-à-dire vous en trouverez d'autres encore. Côte à mais... côte dans le même domaine, quelque chose qui peut relever du joyau et d'une très haute gamme, que ça soit dans la maroquinerie, la bijouterie ou que sais-je, et puis le vaste flux produit par les ateliers du monde. Donc vous avez effectivement une polarisation extrême que vous pouvez retrouver certes dans d'autres secteurs, mais vous avez en plus, si vous prenez ne serait-ce que les AOC, vous avez à travers le monde, vous avez 2100 AOC, vous avez des centaines et des centaines de cépages. Vous imaginez entre les différents cépages, les différentes AOC, les différents pays producteurs. Même pour les montres, je pense que vous aurez du mal à me trouver autant de producteurs. C'est des dizaines de milliers de producteurs à travers le monde. Et vous avez la cohabitation de grandes multinationales avec des petits producteurs. Et ça, c'est très rare aussi, dans le sens où la multinationale ne concentre pas le secteur de façon irrémédiable, comme ça s'est vu dans tant d'autres secteurs, notamment les secteurs industriels, si vous prenez l'automobile, si vous prenez tant d'autres secteurs. Il y a ce mouvement de concentration. Dans le vin, on garde justement un niveau de déconcentration, de différenciation qui est extrême. Et ça perdure, et ce modèle perdure, et comme je disais tout à l'heure pour l'exemple de la Suisse, c'est un modèle qui va peut-être même s'étendre encore un petit peu plus. Donc ça, c'est quelque chose de remarquable, et effectivement, ça interroge économistes, spécialistes d'économie industrielle, qui est habitué à voir la concentration autour de la mondialisation, la concentration sectorielle autour de quelques grandes marques, peut-être quelques dizaines de grandes marques, mais dans le vin, ça ne se réalise pas. Et ça, c'est une exception qui est liée justement à ce goût du consommateur, à cette curiosité du consommateur, à cette recherche de la variété qui est de plus en plus marquée. Aujourd'hui, chez les jeunes, on nous parle des grandes marques. À Bordeaux, on nous a dit, mais si on n'a pas des grandes marques, on est mort. Bordeaux va disparaître, va mourir de l'absence de grandes marques. Et non, pas du tout, pas du tout. Et j'ai presque envie de dire au contraire. Bordeaux, comme plein d'autres régions de l'ancien monde et peut-être du nouveau monde, est redynamisé en quelque sorte. Est redynamisé en quelque sorte par cette volonté de trouver de la variété. Champagne ou Clos Vougeot ? Champagne, je crois. Perdu. Ah. Travailler dans le vin ? Vous en connaissez beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans le vin ici ? Vous êtes. Œnologue. Ah. Je dirais Bordeaux. Vous venez de prendre les rênes d'un grand château. Vous êtes persuadé que vos méthodes vont tout changer et que vos vins seront bientôt parmi les meilleurs du pays. Mais pour ça, il vous faut de bonnes notes dans les guides. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Encore perdu. Ah. Et les notes dans les guides, c'est pas trop mon truc, en fait. À mon tour, fils de vigneron, je dirais Bourgogne. Parti du domaine familial à 20 ans pour surtout pas faire comme son père. Pour éviter le tracteur et les mains calleuses. Arrive à Paris pour en découdre. Pour montrer à la terre entière de quoi il est vraiment capable. Fin dégustateur, vous restez dans le domaine du vin pour pas trahir vos ancêtres qui ont quand même réussi à vous léguer deux, trois valeurs. Et ça marche, votre truc. Votre guide devient une petite institution et chaque année, vos notes font trembler tout le vignoble. Jean-Marie Cardevat, en vous lisant, quelque chose m'est venu sous forme de question, puisque vous faites un moment référence dans votre article à la question des experts. Et évidemment, prenons par exemple le cas des œnologues. Diriez-vous que l'œnologie est à sa manière une science sociale, une science humaine? Totalement. totalement, et dès lors qu'on s'amuse à manier les chiffres un petit peu, donc à mettre un peu de science dure sur ce que nous disent les œnologues à travers leurs notes, etc., on se rend compte de l'existence de biais. C'est spongieux. Je l'aurais pas exprimé ainsi, mais on se rend compte de l'existence de biais, puisqu'en statistique, nous, on va parler de biais. Il y a aucune vérité, il y a énormément de subjectivité. Vous savez, un œnologue, ici à Bordeaux, un grand œnologue m'a dit, finalement, notre métier consiste à dire, c'est pas bon, ou c'est bon. C'est bon dans le sens où il n'y a pas de défaut majeur. L'œnologue est formé pour ça à la base. L'œnologue, tel qu'il travaille ici dans les laboratoires bordelais, fait du suivi de qualité. Il conseille notamment ceux qui vont acheter le vin, il conseille aussi ceux qui le font, bien évidemment. Et il va traquer les défauts, il s'exerce à traquer ses défauts, à reconnaître olfactivement, gustativement, à reconnaître les grands défauts du vin. C'est pour ça qu'ils ont leur petite mallette, tous les défauts sont là, bien rangés dans leur mallette. Ensuite, quand est-ce que le vin est bon ? Est-ce que vous aimez tous les cépages ? Est-ce que vous aimez tous les styles de vin ? Non, j'imagine que non. Ou alors c'est préoccupant pour vous. Quoi qu'il en soit... Comptez sur moi pour ne pas répondre. Il y a évidemment un domaine extrêmement subjectif. Et c'est là qu'on en arrive à la poésie même. Et c'est ce qui fait aussi le charme du métier. C'est-à-dire que on peut en parler, on peut mettre de la poésie derrière, mais ça reste subjectif. Donc c'est ce qui... Il faut surtout pas faire dire à des commentaires œnologiques c'est un vin qui est excellent, et ce système de notation me gêne un petit peu parce que... Cela dit, le virus est là, puisque désormais, n'importe quel consommateur a le souhait de se transformer en expert citoyen, utilisant à peu près les mêmes rhétoriques que celles des experts auparavant. Alors là, ne trouvez-vous pas que d'une certaine manière, les experts qui sont de plus en plus délégitimés se voient remplacés par un vaste troupeau? La sagesse de la foule, je vous répondrai. La sagesse de la foule. Non, étayez un peu. Est-ce que, là aussi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez un expert qui va donner une note sur un vin et faire un commentaire brillant dessus? Ou est-ce que vous préférez 2000 têtes de troupeau qui vont vous dire « ça, c'est très bien ». Vous allez voir, je vais m'en sortir. Je préfère celui qui a son langage personnel. Oui, je ne sais pas si vous en sortez en disant ça malgré tout, mais... mais ça reste subjectif de ma part. Mais ça ne me parle qu'à moitié, en tout cas, ce que vous me répondez. Très honnêtement, moi-même, je n'ai pas de réponse très tranchée là-dessus. Si j'ai un expert qui s'entiche d'un vin ou qui peut avoir un lien particulier, n'ayons pas peur des mots, avec un producteur qui peut... Mais je ne vous parle pas de corruption, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'une amitié ou d'une affection pour un vin, même s'il ne connaît pas le producteur, finalement, en disant « j'aime bien ce vin, c'est mon style, ça me correspond ». Et je l'aime bien, mais est-ce que ce que lui aimera, ça me plaira forcément? Donc vous avez tout un travail vous-même de recherche à faire sur quel est l'expert qui va me convenir lorsque vous êtes consommateur. Si vous regardez 2000 notations de consommateurs lambda, il va y avoir ceux qui vont dire n'importe quoi, ceux qui dans un sens et dans l'autre, mais la moyenne sur les 2000, la moyenne est censée dire la vérité. Statistiquement, au-delà de 1000, vous êtes censé avoir cette vérité. Donc moi, je préfère la foule au final. La vérité. Bon, nous resterons sur ces mots avec des points de suspension, évidemment. Si l'on veut vous lire... Un livre collectif sur l'industrie du vin, sur les modèles économiques, donc à plusieurs mains, avec notamment un chapitre sur la Suisse, parce que j'y tenais beaucoup. Alors, titre et éditeur... Ah, ben voilà, c'est toujours pareil. Ces auteurs, ces maudits auteurs, produisent, mais oublient complètement les intitulés de leur production. Bon, on ne vous en voudra pas, étant donné qu'on mettra le nom de l'ouvrage sur le site d'Histoire Vivante. En attendant, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Premier nez vif, tendu, minéral, cuir chaud, fruits cuits, confiturés, final sur le sucre, vendange trop mûr. 9 sur 20. Robe grenat. Note fumée, assez dense, avec une belle matière qui s'allonge sur de beaux amers en finale. Pas mal, 14. Mou en attaque, finale sèche, sans intérêt. Jolie robe, trace de glycérol, pointe de griotte. Fumée, fruitée, cassis, mûr. 10 sur 20. Très grand vin. 17.